Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale, il est 8h30, nous sommes le mercredi 8 août et nous souhaitons une bonne fête au Dominique, ça vient du latin qui appartient au Seigneur. C'est un véritable vif argent que Dominique qui possède l'art et la manière de passer d'un état émotionnel à un autre en même temps qu'il n'en faut, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Hypersensible et particulièrement féminine, elle est un mélange de femme-enfant, charmante, sensible, douce et féminine et de maîtresse-femme, conquérante, séductrice et entreprenante. Une sacrée personnalité qui aussi entre timidité, effacement, dépendance, soumission et leur contraire. Il est vrai que bien-être et équilibre affectif lui sont nécessaires pour que se développe son assurance. Ainsi pourra-t-on la voir tour à tour réservée et timide, intériorisée, ravie de passer inaperçue, puis pétillante, espiègle, enchantée d'être sur le devant de la scène et même plutôt effrontée selon que l'ambiance dans laquelle elle se trouve est affective ou non. Elle aussi entre des phases d'hésitation et d'autres où elle est capable de tenter le tout pour le tout. C'est une affective qui a un grand sens de l'amitié et montre des qualités d'écoute, de finesse et de psychologie certaines, ayant à la fois un sens aigu des détails et un intérêt pour ce qui est intimiste. L'humour est une de ses caractéristiques et elle s'en sert souvent tout autant pour sauver la face lorsqu'elle est dans ses phases de haute tension nerveuse que pour plaire ou encore pour le plaisir de faire un bon jeu de mots. Dicton du jour, à la Sainte Dominique, ne te plains pas si le soleil pique. Sainte Dominique a souvent chaud dans sa tunique. S'il fait très chaud à la Sainte Dominique, l'hiver sera rude. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale du chat. Au Chili, c'est la journée du chocolat. Et en Suède, c'est la fête de la reine et fête du drapeau, fête du nom hein, de la reine Sylvia. Ça s'est passé un 8 août 1876. Thomas Edison inventait le mimographe appelé aussi fax. 1949, indépendance du Bhoutan. 1965, Singapour se retirait de la Fédération malaise et devenait un État indépendant. 1967, fondation de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Et en 2008, eh bien, c'était les Jeux Olympiques à Pékin. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec Francis Lalanne et le titre « On se retrouvera ». Promets-moi si tu me survis d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient. Je t'ai dit, l'amour est plus fort que tout. Ni l'enfer ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Même pas les cris en termes, tu se retrouvera. Francis Lalanne, on se retrouvera sur RGM, presque 8h36, on parle anniversaire. Ils sont nés un 8 août 1935, naissance de Donald Belisario, auteur, créateur, producteur de séries télé américains qui a créé les séries à succès Magnum, Supercopter, Code Quantum, JAG ou encore NCIS Enquête Spéciale. 1937, naissance de Dustin Hoffman, acteur américain vu dans Le Lauréat dans le rôle de Benjamin Braddock, Les Hommes du Président, Marathon Man, Kramer contre Kramer dans le rôle de Ted Kramer, qui lui avait valu l'Oscar du meilleur acteur, Rain Man dans le rôle de Raymond Babbitt, qui lui a valu également l'Oscar du meilleur acteur, ou Cool, la revanche du capitaine Crochet dans le rôle du capitaine James Crochet, Des Hommes d'Influence, Jeanne d'Arc, Mon beau-père, mes parents et moi, Mon beau-père et nous dans le rôle de Bernie Fokker, et il est apparu également dans le film The Holiday. 1944, naissance de Bernard Ménès, comédien français, vu dans Les Quatre Charlots Mousquetaires, Confidence pour Confidence, L'Avare, L'Amour dure 3 ans, la série télé les Maggie, Scène de ménage et Sous le soleil dans le rôle de Marbalo. 1947, naissance de Larry Wilcox, acteur américain, connu pour avoir joué le rôle de l'officier John Baker dans la série télé Chips. 1949, naissance de Keith Carradine, acteur américain, connu pour son rôle de l'agent spécial Frank Lundy dans la série Dexter, vu dans Numbers, The Big Bang Theory dans le rôle de Wyatt, le père de Penny, NCIS Enquête Spéciale ou encore Fargo. 1951, naissance de Martin Brest, réalisateur américain qui l'on doit Le Flic de Beverly Hills ou encore Rencontre avec Joe Black. 1955, naissance de Branscombe Richmond, acteur américain, vu dans Le Roi Scorpion, la série télé Le Rebelle dans le rôle de Bobby Sixkiller, Magnum, MacGyver, Charmed, Hawaii 5-0 ou encore Chicago Med. 1958, naissance de Francis Lalanne, chanteur et acteur français, vu dans Astérix aux Jeux Olympiques dans le rôle de Francis Lalannix et vu également dans le film Disco. 1960, naissance de Bruno Pellissier, karatéka français, connu pour avoir remporté l'épreuve de kumite individuel masculin moins de 70 kg, championnat d'Europe en 89 et 90. 1961, naissance de The Edge, guitariste britannique du groupe U2. 1962, naissance de Ralph Rickerman, musicien américain, connu pour avoir fait partie du groupe Scorpion de 1992 à 2004. Et on va écouter un petit extrait de leur titre Under the Same Sun. Extrait du titre de Scorpion. 1964, naissance de Gilles Verdez, journaliste, chroniqueur télé, radio, écrivain français. 1966, naissance de Patrice Letellier, ancien escrimeur français qui aux Jeux Olympiques est médaillé d'or au fleuret par équipe en 2000 au championnat du monde. Il compte 2 médailles d'or au fleuret, 97 et 99, 2 médailles d'argent fleuret par équipe en 87 et 98 et 1 médaille de bronze en 89, toujours par équipe. 1967, naissance de Lee Unkrich, réalisateur américain qui l'on doit Toy Story 1, 2 et 3, Mille et une pattes, Monstre et compagnie, Le Monde de Nemo, Cars ou plus récemment Coco. 1970, naissance de Pascal Duquesne, acteur belge connu pour son rôle de Georges dans le film Le 8e jour, récompensé au Festival de Cannes par le prix d'interprétation masculine, vu également dans Mister Nobody. 1972, naissance d'Éric Poujade, ancien gymnaste français qui aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 il a été médaillé d'argent au cheval d'Arçon et en championnat du monde, il compte 2 médailles d'argent. 1976, naissance de Joshua Scott Chesses, chanteur américain qui a fait partie des NSYNC. Et on écoute tout de suite un extrait de leur titre « Bye Bye Bye ». Pour l'extrait des NSYNC, on continue les anniversaires et on va rester en 1976 avec la naissance de Toni Cypress, actrice américaine vue dans la série télé Heroes dans le rôle de Simone Deveau, Unforgettable, House of Cards dans le rôle de Carly S ou encore Supergirl dans le rôle du sénateur Crane. 1980, naissance de Michael Urie, acteur américain connu pour son rôle de Mark St. James dans la série télé Ugly Betty, vu également dans The Good Wife dans le rôle de Stephen Dinovera. C'est également l'année de naissance de Victor Sintès, escrimeur français qui au championnat du monde compte une médaille d'or, une d'argent et une de bronze et au championnat d'Europe, 3 médailles d'argent. 1981, naissance de Bradley John McIntosh, chanteur, acteur britannique qui a fait partie du groupe S Club 7, vu dans la série du même nom. On va écouter un extrait de leur titre « Don't Stop Moving ». Yeah, come on. DJ got the party started, there's no end in sight. Everybody's moving to the rhythm that's inside. It's a crazy world, but tonight's the right situation. Don't get left behind. I can feel the music moving through me everywhere. Nation, baby, we don't even care. There's a place to be if you need the right education. Let it take you there. And just go with the magic, baby. I can see it there in your eyes. I can see it there in your eyes. Stop the waiting. Right here on the dance floor is where you gotta let it go. Don't stop moving. Voilà pour l'extrait du groupe S Club 7. On reste en 1980 avec la naissance de Roger Federer, joueur de tennis suisse professionnel depuis 1998 qui détient le record de 310 semaines passées à la première place du classement mondial. Il compte 20 grands chelems, 8 Wimbledon, 6 Open d'Australie, 5 US Open et 1 Roland-Garros. Aux Jeux Olympiques en simple, médaillé d'argent en 2012 et en double médaillé d'or en 2008. Il a remporté avec la Suisse une Coupe Davis en 2014 et 2 Hopman Cup en 2001 et 2018. C'est également l'année de naissance de Megan Good, actrice américaine vue dans Saw 5, la série télé Ma Famille d'abord dans le rôle de Vanessa, Dr House, Californication dans le rôle de Cali ou encore Code Black. 1986, naissance de Katerina Bodarenko, joueuse de tennis ukrainienne professionnelle depuis 2000. En simple, elle a été 29e mondiale en 2009, quart de finaliste à l'US Open, 16e de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon. En double, numéro 9 mondial en 2008, elle a gagné une fois l'Open d'Australie, demi-finaliste à Roland-Garros, 8e de finaliste à l'US Open et 16e de finaliste à Wimbledon. C'est également l'année de naissance de Peyton List, actrice américaine vue dans la série Smallville dans le rôle de Lucy Lane, les experts Miami et les experts Manhattan dans le rôle d'Alexa Uncott, Les Frères Scott, Hawaii 5-0, The Tomorrow People dans le rôle de Cara Coburn, Flash dans le rôle de Golden Glider ou encore Colony dans le rôle d'Amy Leonard. 1987, naissance de Pierre Boulanger, acteur français vu dans Nos 18 ans dans le rôle de Richard, Notre jour viendra, Arrête de pleurer Pénélope, la série télé Camping Paradis ou encore Section de recherche. C'est également l'année de naissance de Katie Leung, actrice écossaise connue pour avoir joué le rôle de Cho Chang dans 5 films de la saga des Harry Potter. 1988, naissance de Béatrice D'York, princesse britannique, fille d'Andrew D'York et de Sarah Ferguson. C'est également l'année de naissance d'Alix Faye Tchelali, footballeuse française qui joue à l'Olympique Lyonnais et d'ailleurs avec l'OL, elle est championne de France en 2007, 2008 et 2009. 1998, naissance de Shawn Mendes, chanteur canadien. En 2000, décédé Gilles Thibault, auteur-compositeur français, co-auteur du tube Comme d'habitude. Et comme d'habitude, tous les mercredis, on fait un point sur les sorties cinéma. On commence avec Détective D, la légende des Rois Célestes, un film d'action de Chu Hark avec Mark Chao, Feng Shaofeng et Jing Xin Lin. Autre film, Neuilly sa mère, sa mère, comédie de Gabriel Julien Laferrière avec Sami Seguir, Jérémy Denisti et Denis Podalides. Autre film, Darkest Minds, rébellion science-fiction de Jennifer Hugh Nielsen avec Amandla Stenberg, Harris Dickinson et Mia Cech. Autre film, L'espion qui m'a largué, comédie de Susanna Fogel avec Mila Kunis, Kate McKinnon ou encore Justin Theroux. Et d'ailleurs, dans ce film, on peut avoir une apparition de Kev Adams. Et dernier film, Marie Shelley, drame de Haifa Al-Mansour avec Elle Fanning, Douglas Booth et Tom Sturridge. Allez, voilà pour les sorties ciné. On marque une petite pause avec U2 et leur titre With or Without You. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. We'll be right back. With or Without You, le groupe U2 sur le 107 FM, un peu plus de 8h52, on parle météo. La météo. Alors, après les orages de cette nuit, il fait un tout petit peu moins chaud, hein, on va dire ça comme ça, même si les températures sont déjà comprises entre 22 et 23 degrés ce matin. Mais on va quand même tout de même respirer un petit peu mieux. On devrait avoir une journée ensoleillée, principalement avec peut-être encore de la pluie et des orages à prévoir au cours de cette journée. Et des températures comprises entre 27 et 29 degrés cet après-midi. Pour jeudi, de la pluie, des températures comprises entre 17 et 18 degrés le matin, entre 27 et 28 degrés l'après-midi. Et pour vendredi, du soleil avec des températures qui diminuent, ça va faire vraiment du bien. Elles seront comprises normalement entre 13 et 14 degrés vendredi matin et entre 20 et 22 degrés pour vendredi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler des championnats d'Europe et la grosse désillusion en décathlon hier avec l'abandon de Kevin Mayer qui avait pourtant très bien lancé son décathlon avec le 100 mètres. Et malheureusement au saut en longueur, ça a été la catastrophe où il a mordu lors de ses trois tentatives. Donc il a eu un zéro pointé et il a préféré donc abandonner après cette deuxième épreuve. À noter que les deux autres Français ont également eu un zéro pointé en saut en longueur, mais eux ont décidé de continuer leur décathlon. Désillusion également pour Jimmy Vico qui avait été qualifié pour la finale du 100 mètres et qui malheureusement a dû abandonner pour la finale puisqu'il s'était blessé à l'entraînement entre la demi et la finale. En VTT, médaille d'argent pour Pauline Ferrand-Prévot sur le 50 km marche. Lucie Champalou a été jusqu'au bout de ses forces pour terminer ce 50 km, elle est arrivée à plus de 40 minutes après la première. Allez, on va parler de Morad Hamdouni. Le nom vous dit peut-être rien, et bien maintenant ça va changer puisqu'il a remporté la médaille d'or sur le 10 000 mètres. Voilà, c'est la première médaille d'or pour l'équipe de France. À noter que sur le 100 mètres dames, les Françaises Carole Zahi et Orlan Ambissa-Zong ont terminé respectivement 7e et 8e. Et des Français et des Françaises se sont qualifiés hein, tout de même en disque messieurs. La qualification de Lolasan Djian en 400 mètres et qualification d'Aurélie Chaboudès. 800 mètres, qualification de Renel Lamotte. Au 3000 mètres steeple, les qualifications de Mayedine Mekissi, Johan Caval et Djilali Bedrani. Et la qualification sur le 400 mètres, messieurs, de Ludwig Vaillant. On parle du Kérin maintenant avec la médaille d'or côté féminin pour Mathilde Gros. Médaille d'argent pour Sébastien Vigier et Quentin Lafargue, lui, termine au pied du podium. En natation, l'équipe de France féminine a terminé 4e lors du 4x200 mètres nage libre. A noter que les deux Françaises se sont qualifiées pour le 100 mètres. Un mot de tennis maintenant à Montréal, la qualification d'Alizé Cornet en 3-7 face à Maria, 4-6-6-1-6-3. Qualification de Garcia en 3-7 face à Rybarikova, 4-6-6-1-6-3. Et bah le même score qu'Alizé Cornet d'ailleurs. Et Mladenovic, elle s'est inclinée en 2-7 face à Azarenka, 6-0-6-1. Aujourd'hui, Alizé Cornet affrontera Kerber. Et à Toronto, journée catastrophe pour les tricolores. Lucas Pouille s'est incliné face au tout jeune Auger Aliassime, 17 ans, 2-7, 6-4, 6-3. Jérémy Chardy s'est incliné en 2-7 face à Shapovalov, 6-1, 6-4. Manarino s'est incliné en 2-7 face à Kouere, 6-2, 7-5. À noter les qualifications de Djokovic et de Stan Wawrinka, qu'on retrouvera d'ailleurs aujourd'hui, tout comme Del Potro, Tim ou encore Alexander Zverev. Et Benoît Paire lui affrontera Rafael Nadal et Pierre-Hugues Herbert sera opposé à John Isner. Et on termine avec du football féminin, le mondial U20 ce soir, la France affronte la Nouvelle-Zélande. Allez, dernière pause musicale, Shawn Mendes et le titre In My Blood. Mais, it's like the walls cave in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly.